C'est fou, 89.1. Êtes-vous prêt pour 2 heures de blues? C'est votre émission hebdomadaire de blues. Débutons immédiatement avec une pièce d'un individu qui est ce soir en spectacle à Sainte-Geneviève-de-Batiscan, un Montréalais, Justin Saladino. My mind, ready to give it another shot. Now my breath smells like cologne, baby. And you know it never will drop. No, the other day when you called, you made like nothing was wrong. Acting pretty sweet now, baby. How could you do any wrong? Thank you. écoutez Très Blues Assez Fou avec Denis Beaudin au 89.1 FM. Boy, un individu, un Canadien de la région d'Halifax que j'ai eu l'occasion de rencontrer il y a quelques années, un individu dont j'apprécie beaucoup le matériel. La pièce s'appelle Better Man Blues de l'album du même titre. Il a travaillé avec le très réputé J.P. Cormier, qui est un individu qui fait beaucoup, beaucoup d'albums blues et qui fait du très bon matériel. On va aller écouter maintenant un Américain qui s'appelle Chris Bell. Sa pièce s'appelle The Devil, My Guitar and Me. Route 60. Chris Bell, un guitariste américain qui joue à... qui joue dans les rythmes de Jimi Hendrix, qui est un très très bon performeur de blues, surtout un très bon performeur de scène. Maintenant, nous allons écouter un doublé Eric Clapton. Nous allons écouter Eric Clapton avec Jeff Beck, You Need Love. Mais avant tout, nous allons écouter une pièce qui s'appelle Same Old Blues. I heard the news, it's the same old blues again. There ain't been matter, must have read it wrong. Stood in your doorway, you was gone. It's the same old story, everywhere to get in. Well, I heard the news, it's the same old blues again. And they gave me the business. So nice, you're so nice, you're so nice. You're so nice, you're so nice. You're so nice, you're so nice. You've been pretty. Nous venons d'entendre Jeff Beck et Eric Clapton avec You Need Love. Jeff Beck et Eric Clapton ont fait quelques participations ensemble sur certains albums. Ça donne un blues très particulier. Nous allons maintenant entendre un bluesman français pour rendre hommage à nos amis français suite aux événements de la semaine dernière. L'individu s'appelle Eric Ter, T-E-R, Eric Ter, Eric Ter. La pièce s'appelle Chance Hollywood. Conseil. avec un cœur brisé. Et pour paille moisir, vaut mieux pas trop y rester. C'est une tête de bois. Hollywood m'a pris une tête sensible et laissé une tête de bois. Samedi soir. Sur Sunset and Vine, va humer l'ambiance d'un samedi soir. Et quand tu te trouves complètement sec, fais ta valise et dis au revoir. Vous écoutez Très Blues Assez Fou avec Denis Beaudin au 89.1 FM. Thank you. Thank you. James Henry Dawkins, connu sous le nom de Jimmy Dawkins, un musicien du Mississippi, né en 1936, décédé en 2013 à Chicago. Il est un chanteur et guitariste de blues. Particulièrement, il a enregistré dans les années 70. En début 70, il a participé à la création de la revue Living Blues, donc pour qui il a écrit pendant plusieurs années. Et dans les années 90, il a repris l'écriture de la musique et les prestations en direct. Nous allons continuer cette émission de Très Blues Assez Fou. On aura, comme à l'habitude, la chronique de Paul Deslauriers dans quelques minutes, qui est décalée un petit peu pour des raisons techniques. Et nous allons poursuivre en musique avec un autre excellent guitariste, un individu qui faisait partie d'une formation qui a eu un très grand succès, la formation Dire Straits, Mark Knopfler et Chris Barber, qui nous font blues. Stay away from me. Blues, stay away from me. Blues, why don't you let me be? Don't know why you keep on haunting me. Avec Denis Beaudin au 89.1 FM. I got a crazy woman. She got a mind just like a goose. Yeah, I got a crazy, crazy, crazy woman. She got a mind just like a goose. I say I'm going out, buy me a toolbox. I believe that woman, she got some screws loose. She drank wine every morning. She drank wine late at night. Every time she come home, little girl, wanna fuss and fight. I got a crazy, crazy, crazy woman. The little girl, she got a mind just like a goose. I'm going down to buy me a toolbox. I believe that woman got some screw loose. What wrong with that gun? I give her all my money too. Sometimes I wonder, look down, what the next thing that you gonna do? I got a crazy, crazy, crazy, crazy woman. She got a mind just like a goose. I believe she got some screws loose. À C'est fou 89.1, vous êtes sur Très Blues à C'est fou. Mon nom est Denis Beaudin. On est encore ensemble pour plus d'une heure pour plein de blues et de prendre des connaissances ensemble et découvrir les pièces blues qui nous sera possible d'écouter cette semaine. On vient d'écouter Magic Slim, de son vrai nom, Maurice Holt. Maurice Holt est un pilier du West Side de Chicago. Magic Slim a conservé un parfum campagnard du Mississippi dans son blues. Il semble encore aujourd'hui comme fraîchement transplanté dans la jungle urbaine, ce qui le rend plus proche des bluesmen de l'après-guerre et des guitaristes cinglants du West Side Sound. C'est un individu qui est malheureusement décédé en 2013 et qui a plus de 20 albums, près de 25 albums à son actif. Nous allons poursuivre notre thérapie blues en écoutant Johnny Hooker et Can Heat, Whiskey and Women. Whiskey and Women. Thank you. And Women, John Lee Hooker sur C'est Fou 89.1. Vous êtes sur Très Blues à C'est Fou. Mon nom est Denis Baudin. Encore plus d'une heure ensemble. John Lee Hooker est un bluesman du Mississippi qui est né en 1917, décédé en 2001. John Lee a été initié au blues par son beau-père Willie Moore, qui était aussi un bluesman. Cependant, Willie Moore n'a pas laissé d'enregistrement derrière lui. C'est impossible de connaître l'influence exacte que Moore a eue sur John Lee Hooker. Particulièrement, ce qui est noté pour John Lee Hooker, c'est la présence écrasante des silences parfois dans ses pièces. Il y a certains silences qui font en sorte que la pièce devient plus lourde, et c'est ce qui a donné le style à John Lee Hooker. On continue en blues avec Blues of People, une pièce que je vous ai fait écouter il y a quelques semaines et qui a suscité beaucoup de commentaires positifs. Et immédiatement après la pause, on s'en va dans notre chronique Histoire du blues avec Paul Deslauriers. On va parler beaucoup cette semaine de Robert Johnson.

toujours assez blues, assez fou. Il nous reste 60 minutes ensemble dans les prochaines minutes, pratiquement les 40 prochaines minutes. Nous allons parler de l'histoire du blues. Mais avant, nous allons écouter l'un des grands classiques du blues qui s'appelle Sweet Home Chicago avec les Blues Brothers. Come on, baby, don't you wanna go? Les Blues Brothers, Sweet Home Chicago. On est avec, en ligne avec Paul Delaurier. Bonsoir, Paul. Bonsoir, Denis. Ça va bien, Paul? Ça va toujours bien, oui. Ah oui. Paul, Sweet Home Chicago n'a pas joué pour rien dans cette portion de notre émission où on parle de l'histoire du blues, parce qu'on va parler de quelqu'un de très important pour le blues. Oui, en fait, j'ai un petit concept spécial pour la semaine, parce qu'évidemment, on parle de l'histoire du blues et tout ça. Et j'avais en tête de vous présenter ce qui est probablement pour moi un des artistes de blues les plus importants de toute l'histoire du blues, qui a vraiment été extrêmement influent sur toutes les générations à venir. Et puis, dans notre historique du blues, on est rendu dans les années 30. Puis, je vous parle d'un artiste qui est peut-être peu connu, mais du grand public, mais qui a influencé énormément de groupes des années 40, 50, 60, 70 et tout ça. Et puis, il y a certaines chansons qu'on connaît très bien qui font partie du lexicon, du vocabulaire et du répertoire de blues qu'on connaît très bien. Mais peu de gens savent que d'où est-ce que ça vient, ces chansons-là, et que c'est en fait le grand Robert Johnson qui aurait composé ces chansons-là. On le connaît, Robert Johnson, qui a enregistré 29 chansons dans les années 30, sur une couple d'années, et puis il est décédé à l'âge de 27 ans, à la fin des années 30. Donc, carrière très, très courte, mais qui a eu une grosse influence toutes les générations à venir. Et puis, dans les années 60, ce qui est curieux, c'est qu'il a vendu quelques albums de son vivant. Et puis, on a ressuscité son catalogue, si tu veux, dans les années 60. C'est une compilation sur Columbia Records qui s'appelait King of the Delta Blues. Oui. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que la première chanson qu'on vient d'entendre, Sweet Home Chicago, a été composée par Robert Johnson. Donc, ce soir, on va faire un peu la comparaison des versions connues d'artistes qu'on connaît très bien. Et puis la version originale de Robert Johnson. Donc, je vous présente comme pièce, deuxième pièce en fait, la version originale de Sweet Home Chicago de Robert Johnson. California to my sweet home Chicago. Robert Johnson, Sweet Home Chicago. C'était la version originale de la pièce qu'on vous a présentée plus tôt avec les Blues Brothers. Paul, est-ce qu'on peut dire que Robert Johnson avait une technique particulière pour la guitare ou c'est un joueur de guitare ordinaire, régulier? Moi, je vous dirais que c'est un musicien hors pair. Vraiment, là, c'est un génie de sa génération. C'est le Jimi Hendrix de cette époque-là. Parce que même de nos jours, ça fait des années que j'interprète de ses pièces, et puis je pense que je serais pas le seul à vous dire que la difficulté avec laquelle la difficulté qu'on a à exécuter ce qu'il faisait à la guitare puis chanter en même temps, là, c'est quasiment hallucinant. C'est vraiment, c'était un grand, grand, grand talent. Et donc vient l'histoire où est-ce qu'il aurait vendu son âme au diable, oui, pour devenir aussi bon et aussi rapidement. Parce que c'était un jeune type de Son House et de Charlie Patton. C'est des gars qu'il voyait quand il était jeune. Puis à l'époque, ces gars-là le trouvaient un peu fatigant parce que il venait, puis il était tout le temps, il essayait toujours de jouer leur guitare, puis il essayait d'apprendre des trucs de ces gens-là, qui était plus âgé que lui. Et puis, il a comme disparu pendant un an ou deux. Et en revenant, il était déjà rendu, il a fait il s'est amélioré de façon astronomique. Et puis, c'est de là où est sorti l'histoire où est-ce qu'il est allé au Crossroads, à la croisée des deux autoroutes 61 et 49 au Mississippi, et qui a vendu son âme au diable. Et ceci présente la prochaine chanson qui s'intitule exactement ça, c'est l'histoire de Crossroads Blues. Toujours assez blues, très blues, assez fou. Vous êtes assez fou, 89.1 FM à Trois-Rivières, hein? Compagnie de Paul Deslauriers qui nous fait l'histoire du blues. On est dans les années 30 et on dédie les portions de l'émission d'aujourd'hui de notre histoire du blues à Robert Johnson, qu'on vient d'entendre avec Crossroads. Paul nous expliquait que Crossroads était à son retour après une année d'arrêt, qu'il est revenu avec une technique particulière pour la guitare et est allé probablement vendre son âme au diable. Cependant, Crossroads a été repris par des groupes aussi mythiques que Robert Johnson l'était, Paul. Oui, en fait, la prochaine version de cette chanson-là, je vais vous présenter, c'est un des plus grands groupes de blues rock psychédélique des années 60 qu'on connaît très bien. Évidemment, ça c'est probablement une chanson à part Sunshine of Your Love qui est probablement la plus connue de leur répertoire. Et je vous présente en fait le très très grand Eric Clapton, Jack Bruce et Ginger Baker. Évidemment, le band Cream qui nous présente leur version de Crossroads de Robert Johnson. Crossroad avec Cream. Eric Clapton, please, the vocal. C'est une version, vous avez remarqué que c'est une version en spectacle. Paul, on poursuit notre découverte de Robert Johnson et des succès qu'il nous a fait connaître et qu'il a fait perpétuer dans la musique blues moderne. Oui, On continue avec Robert Johnson, les succès qu'il a perpétués dans la musique blues moderne. Oui, en fait, la prochaine pièce, c'est en est une que je fais régulièrement, car en fait, on a fait une version aussi du Paul Reuben sur notre dernier album. Oui. C'est une chanson, probablement la chanson la plus émotive que, dans le blues que je connais. C'est probablement mon blues le favori de tous les temps. Et puis, c'est vraiment une histoire de... C'est tout ça au niveau de poétique, tout ça, l'imagerie et tout. Et je vous présente la grande pièce « Love in Vain ». With a suitcase in my hand, and I followed her to the station with a suitcase in my hand. Well, it's hard to tell when all your love's in vain, all my love's in vain. The train rolled up to the station. I looked her in the eye. When the train rolled up to the station, and I looked her in the eye. Well, I was lonesome, I felt so lonesome, and I could not help but cry. All my love's in vain. When the train, it left the station with two lights on behind. When the train, it left the station with two lights on behind. Well, the blue light was my blue, the red light was my mind. All my love's in vain. Willie Mae. Oh, Willie Mae. C'est une pièce très courte, Paul, Love in Vain, pour de Robert Johnson. Il y avait beaucoup des pièces courtes à cette époque. Oui, ce qu'on pouvait permettre sur un 78 tours, c'était limité quand même. Oui, tout à fait. La pièce a été reprise à quelques reprises par plusieurs artistes, mais il y a une version qui te plaît particulièrement, c'est celle des Rolling Stones. Oui, c'est probablement celle qui est la plus connue, qui a paru sur l'album Let It Bleed, et nombreuses versions live aussi avec le grand guitariste Mick Taylor qui fait de la slide là-dessus. Et c'est probablement la version que les gens connaissent le plus. Donc, on vous présente Love in Vain des Rolling Stones maintenant. I followed her to the station with a suitcase in my hand. Yeah, I followed her to the station with a suitcase in my hand. All your love's in vain. that's all behind. Whoa, the blue light was my baby, and the red light was my mind. Oh, my love was in mine. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Vous écoutez Très Blues à Cifou avec Denis Beaudin au 89.1 FM. Paul Delaurier, on termine notre intervention de cette semaine avec une pièce aussi que tu aimes beaucoup de Robert Johnson, mais que tu as particulièrement la chance de jouer régulièrement, d'avoir enregistré. En fait, c'est pas Robert Johnson, c'est Blind Willie Johnson. Blind Willie Johnson, oui, effectivement. Ouais. Stompin' Johnson. Oui, ben, c'est tout dans la même famille. Ouais, dans le même style, à l'origine. C'est ça. En fait, oui, c'est parce qu'on est un peu dans l'histoire des covers intéressants des grands artistes de l'époque et tout ça. En fait, c'est une chanson qui paraît sur deux de mes albums. En juin 2013, on a sorti un album avec un joueur de sitar. Un album acoustique qui marie blues et musique indienne. On a fait une version sur cet album-là. Et on a aussi fait une version électrique de cette chanson-là sur le dernier album du Paul Delaurier Band. Et puis, c'est une chanson qui s'appelle « Nobody's Fault But Mine ». Nobody's fault but mine. Nobody's fault but mine. Trying to raise my soul alive. Nobody's fault but mine. Nobody's fault but mine. Nobody's fault but mine. Trying to raise my soul alive. Nobody's fault but mine. Nobody's fault but mine. Nobody's fault but mine. If I don't read, my soul be lost. Nobody's fault but mine, yeah. We'll be right back. le Paul Delaurier Band avec Nobody's Fall But Mine. Paul, ça sera un petit peu moins électrique que ça la semaine prochaine au Magasin Général Lebrun. Oui, en fait, on présente en primeur un spectacle 100% acoustique cette fois-là. La dernière fois qu'on était au Magasin Lebrun, on a fait un show électrique. Et puis là, exactement, ça va être un show acoustique avec autant d'énergie, mais avec une différente dynamique. c'est vraiment, écoute, à Masquinongie, le Magasin Lebrun, c'est un endroit magique là, pour les gens qui sont jamais allés là. Ça vaut vraiment la peine de se déplacer. C'est vraiment une belle acoustique, vraiment une belle acoustique. Ouais, ça sonne très bien. Écoute, tu sais, c'est toute une salle en bois et tout ça, là, en haut d'un ancien magasin général, en fait, qui est rendu un peu ni musée, ni magasin. C'est tenu par des gens absolument extraordinaires et très, très, très passionnés de la musique. Très sympathique. C'est un de mes endroits favoris à jouer là-dedans. Ça vaut la peine d'arriver 45-60 minutes à l'avance que pour faire le tour du magasin général. Du magasin, puis en plus, il y a un restaurant à côté. Oui, maintenant, effectivement. Il y a un café qui est là, qu'on peut prendre le repas avant le spectacle, et puis même aller prendre un verre, je crois, après le spectacle aussi. Paul, la semaine prochaine, on rembarque dans la machine en voyager dans le temps du blues et on va retourner près des années 40. Oui, en fait, parce qu'on a visité 1936 et 37 avec Robert Johnson ce soir. Donc, on va continuer notre cheminement vers le présent la semaine prochaine. Alors, pour nous, Paul, on te remercie beaucoup de ta présence et du temps que tu prends pour préparer ça. C'est très, très apprécié des auditeurs de Très Blues Assez Fou. C'est Très Blues Assez Fou. On vous écoute Carl Wyatt avec You Bug Me maintenant. So tight, gonna go downtown. Got her mind all set on messing around. And one little thing won't slow her down. She's the best little girl in town. Come on, baby. You driving me crazy. Better settle back down. Press it again, baby. You bug me, baby. That nervous twitch, a terrible itch, and a ringing in my ear, and a fever pitch. Well, I got shakes and shivers up and down my spine, singing about that little girl of mine. Come on, baby. You driving me crazy. Better settle back down. You bug me, baby. We'll be right back. nervous twitch, a terrible itch, and a ringing in my ear, and a fever pitch. The guy I shake, and shivers up and down my spine. Think about that little girl of mine. Come on, baby. You drive me crazy. Better settle back down. Say it again, baby. You bug me, baby. You Bug Me de Carl Wyatt. La prochaine s'appelle I Remember When I Was Young. Elle est de Matt Taylor. Well, I remember when I was young, the world had just begun and I was happy. I used to wonder about the earth and how it moved around the sun so snappy. Imagination gone wild makes a very backward child, they told me. Très blues assez fou avec Denis Beaudin au 89.1 FM. Vous êtes sur C'est Fou 89.1 FM, vous êtes, c'est très blues à C'est Fou. Nous allons terminer l'émission de cette semaine avec un artiste canadien qui joue principalement du piano. Son nom est David Vest. Il a été plusieurs fois nominé au Maple Blues Awards à Toronto. Il a gagné plusieurs récompenses pour son jeu particulier au piano. Parfois, on le compare à Jerry Lee Lewis, mais voici une pièce blues qui s'appelle « That Happened to Me ». So many people have lost their home. I want them to know that they're not alone. That happened to me. Oh yes, that happened to me. I've been down on the bottom. I know how it feels, you see. Same people walk by, drop a nickel in your cup, first one to knock you back down when you're trying to get up. And that happened to me. Oh yes, that happened to me. I've been down on the bottom. I know how it feels, you see. Play the blues for me. C'est sur cette pièce de David Vest que je vous remercie de votre présence cette semaine à Très Blues Assez Fou. Merci à Paul Delaurier pour la chronique sur l'histoire du blues. Nous avons parlé cette semaine particulièrement de Robert Johnson. Je vous rappelle que dans deux semaines, le 3 décembre, le retour de Steven Hubert qui nous fera une chronique sur les salles mythiques du blues, que des pièces live, des pièces en direct. Mon nom est Denis Baudin, je vous dis à jeudi prochain. Merci. Écoutez du blues. When a hard time comes, people, you gotta hold on. One of these days you're gonna come back strong. That happened to me. Oh yes, that happened right now. Coming back.